Chapitre 33. L'annonce. Ophélie tendit sa tasse à Archibald pour qu'il y versât du thé, puis elle le regarda prendre place de l'autre côté de la table. Il souriait avec une joyeuse insouciance qu'elle trouvait, sans trop savoir pourquoi, quelque peu déplacée. « Comment va votre fille ? » demanda-t-elle tout en sucrant son thé. Archibald enfonça une main dans la bouche béante de son haute forme et en sortit un combiné téléphonique. Le cordon était coupé. « On dirait que des ciseaux sont passés par là !» s'esclaffa-t-il. Ophélie ne partageait pas son amusement. Un fil cassé, c'était toujours une affaire embêtante. Un sucre insoluble également. Elle avait beau remuer sa petite cuillère, le sien refusait de fondre. Peut-être était-ce dû au fait que sa tasse était remplie de sable. « J'espère que vous avez prévu un monocle, » dit Archibald nonchalamment accoudé sur la table. « Il commence à pleuvoir. » Ophélie suivit son regard et vit qu'en effet, des matelas tombaient autour d'eux comme des météorites. Elle trempa les lèvres dans sa tasse de sable. Elle sentait bien qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Vous avez changé votre décoration ?» Ophélie venait effectivement de remarquer qu'il n'y avait ni sol ni mur dans la pièce. Leur table flottait au milieu du ciel, survolant de très haut une ville de l'ancien monde. Elle espérait que la pluie de matelas ne blesserait personne en bas. « C'est cette bonne vieille Hildegarde qui a eu l'idée, » expliqua Archibald en lui resservant une tasse de sable. « Elle a tout refait entièrement en mémoire. »« Vous voulez dire de mémoire ?» « Non, en mémoire. La mémoire est un matériau beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. »« Ça dépend de quelle mémoire ?» fit observer Ophélie avec professionnalisme. « Celle de Thorne ou celle de Farouk ?» Archibald se pencha sur la table et, d'un geste plein de malice, asséna un grand coup de chapeau sur la tête d'Ophélie. « La vôtre, petite étourdie !» Déséquilibrée, elle bascula à la renverse. Il n'y avait plus ni Archibald, ni table, ni sable, ni matelas, ni ancien monde. Elle était en peignoir de nuit, devant le miroir de sa chambre d'enfant sur Anima. Son reflet remuait les lèvres. « Libère-moi !» Ophélie ouvrit les yeux avec un puissant battement de cœur. Il lui était arrivé une fois de tomber d'un tramway en marche. Elle s'était réveillée à l'hôpital dans un mélange indescriptible de douleur et de confusion. C'était peu de choses comparées à ce qu'elle ressentit à cet instant précis. Elle avait mal à la tête, mal à la gorge, mal au dos, mal au ventre, mal aux bras, mal aux genoux, et elle ne conservait aucun souvenir de ce qui l'avait mise dans cet état. Depuis son oreiller, Ophélie promena ses yeux myopes autour d'elle. La pièce baignait dans une lumière orangée qui s'introduisait par tous les interstices des volets. La mer grondait comme un volcan et une odeur d'eau sulfureuse flottait à travers l'atmosphère. Ophélie comprit qu'elle se trouvait dans sa chambre, à l'hôtel des Thermes. Sans remuer la tête, elle tourna son regard vers la porte. Malgré sa mauvaise vue, elle la devinait entr'ouverte et il lui semblait que la voix de Thorne lui parvenait des étages inférieurs, aussi lointaine et aussi caverneuse que la rumeur de la mer. « Réveillée ?» Ophélie fit rouler ses yeux en sens inverse et distingua une silhouette mince et floue, assise sur le bord d'une chaise, tout près du grand lit. Elle sourit en reconnaissant son père. Ce petit homme n'était pas ce qu'on pouvait appeler un parent intrusif. Il ne posait jamais de questions personnelles et rien ne l'embarrassait davantage que d'avoir à se mêler de l'intimité de ses filles. Pourtant, à la moindre fièvre, à la première bosse, il était cramponné au chevet de son enfant. Elle dut s'y prendre à plusieurs fois avant de pouvoir expirer une phrase audible. « Vous étiez aussi un passe-miroir, papa ?» Déconcerté, le père d'Ophélie frotta son crâne chauve. « J'ai traversé quelques armoires à glace dans ma jeunesse, oui, mais je n'étais pas aussi doué que toi. »« Pourquoi avez-vous arrêté? Vous ne me l'avez jamais dit. »« Oh, ce n'était pas vraiment un choix. » chuchota-t-il avec une sorte de pudeur. « Plutôt, comment t'expliquer ?»« Un changement de regard. » »« On grandit et puis on vieillit et voilà. Du jour au lendemain, on est définitivement fâché avec son miroir. » Ophélie ramena son regard au plafond et caressa l'écharpe qui s'éveillait mollement sous ses doigts. Le temps d'un long silence, elle écouta la voix lointaine de Thorn, son timbre grave et monocorde, sans être capable de discerner un seul mot de ce qu'il disait. Elle était curieuse de savoir à qui il pouvait parler ainsi. « Il y a quelque temps, je me suis coincée dans plusieurs miroirs, » reprit-elle. « Ça va vous paraître bizarre, mais ça m'a rappelé mon tout premier passage, ou plutôt une chose qui se serait produite à ce moment-là, comme si en entrant dans le miroir, j'avais permis à quelqu'un d'autre d'en sortir. Ce n'est pourtant pas possible, n'est-ce pas ? Un passe-miroir ne peut permettre à aucun être vivant de faire la traversée avec lui. » Même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Ophélie vit la silhouette floue de son père secouer la tête. « Nous n'avons trouvé que toi, cette nuit-là. Pour être exact, deux parties de toi, chacune coincée dans un miroir différent, et c'était déjà bien assez à notre goût. » Il frotta une fois encore son crâne dégarni, marqua une timide hésitation, puis se pencha sur le lit. « Ma petite fille !» « Est-ce que M. Thorn te mène la vie dure ?»« Thorn ?» s'étonna Ophélie. « On ne peut pas dire que tu étais dans ton assiette quand il t'a ramené à l'hôtel. Il ne nous a fourni aucune explication. Tu sais, ce mariage, si tu nous le demandes, nous ferons l'impossible avec ta mère pour tout annuler. Nous mécontenterons les doyennes, ça c'est certain, » admit son père d'une voix craintive. « Mais nous, eh bien, nous les mécontenterons ensemble. » Ophélie se redressa douloureusement sur son oreiller. Elle s'aperçut soudain qu'Hector, Domiti et Béatrice et Éléonore dormaient profondément autour d'elle dans un entrelacs improbable de bras, de jambes et de chemises de nuit. Ophélie avait l'impression d'avoir un moulin entre les oreilles, mais elle commençait à reprendre ses esprits. Pour que toute sa fratrie se fût senti le devoir d'envahir son lit, c'était vraiment qu'elle avait dû les inquiéter. Sa vieille histoire de miroir lui parut soudain bien secondaire. « Qu'est-ce que je fais ici, papa ? À qui Thorn est-il en train de parler en ce moment ? » « Tu ne te souviens de rien ?» Son père lui tendit ses lunettes comme si elle pouvait lui rendre ses souvenirs. Ce fut efficace. Dès l'instant où elle put voir son écharpe dans les moindres détails, ses mailles déformées, sa laine détricotée, ses franges sales, tout lui revint en mémoire. Ignorant les protestations de son corps entier, Ophélie se délogea du lit en évitant de réveiller ses frères et sœurs, puis boutonna une robe directement sur sa chemise de nuit. « Tu devrais encore te reposer, » suggéra son père d'un ton prudent. « Il est tard. Nous parlerons de tout ça demain matin. » À présent qu'Ophélie le voyait clairement dans la lumière crépusculaire de la fenêtre, elle mesura à quel point il semblait anxieux. Elle se serait empressée de le rassurer si elle n'avait pas été elle-même catastrophée. Elle venait de consulter la pendule de cheminée. Il ne pouvait pas être 3 heures du matin. Farouk lui avait accordé jusqu'à minuit pour retrouver les disparus, pour retrouver Archibald. De quel droit Thorn l'avait-il laissé dormir ainsi? Elle enfila son écharpe et attrapa ses souliers. « Je me suis trop reposée. » Ophélie fonça tête baissée et passa devant un renard qui se tenait juste devant sa porte, vigilant comme une sentinelle, un monocle noir enfoncé dans l'orbite. Montait-il la garde? Elle aurait eu beaucoup à lui dire, mais Renard appuya un doigt sur sa bouche. La voix de Thorn résonnait dans la cage d'escalier de l'hôtel comme un grondement de tonnerre. « Représentativité au sein du conseil ministériel devant être proportionnelle au poids démographique de chaque branche familiale. Le conseil comptabilise présentement 5 députés du clan des Mirages, 3 députés du clan de la Toile et 1 député du peuple des Sans-Pouvoirs. Le clan des Dragons a perdu son unique délégué avec le décès de M. Vladimir au mois de mars dernier. Ces chiffres ne reflètent en rien les réalités sociales de l'Arche et favorisent une situation de monopole. » Interloquée, Ophélie suivit la voie de Thorn à la trace, escalier après escalier, couloir après couloir. Son père ne cessait de lui offrir son bras, affolé à l'idée qu'elle pût perdre à nouveau connaissance. « Ne vous éloignez pas trop de Bibi !» grommela Renard derrière eux. « Papier mâché pourrait venir finir sa sale besogne. Je n'ai qu'un seul monocle pour surveiller vos arrières, moi. »« C'est Gaëlle qui vous l'a donné ?» demanda Ophélie. « Où est-elle » reparti avec son dirigeable, mieux à faire ailleurs. » Ophélie observa Renard par-dessus la rampe au détour d'un palier. Il était de si mauvaise humeur qu'il ne remarquait pas Andouille qui descendait les marches au même rythme que lui et qu'il manquait d'écraser à chaque pas. « Vous lui en voulez tant que cela, d'être ce qu'elle est ?»« Non, » grogna Renard. « Je m'en veux de me l'avoir jamais dit. Une dame du gratin, c'est pas tout à fait à ma portée, voyez ?» Le père d'Ophélie n'en finissait plus de se frotter le crâne. Ses histoires de monocle, de papier mâché et de gratin lui étaient incompréhensibles. Ils atteignirent le rez-de-chaussée et s'avancèrent dans le grand hall de l'hôtel dont tous les cuivres étincelaient à la lumière du couchant. Malgré l'heure avancée de la nuit, la salle était pleine de monde. Tous les membres adultes de la famille d'Ophélie et une partie du personnel de l'hôtel s'étaient agglutinés autour d'un gros poste de radiodiffusion dans un mélange feutré de chuchotis. La nervosité des animistes était d'autant plus perceptible qu'elle contaminait tous les objets du hall. Les tapis frémissaient, les sièges trépignaient, les lampes clignotaient et les présentoirs répandaient leurs brochures par terre. Ophélie s'étonna à peine de trouver Bérénile d'ici. Elle était installée dans un fauteuil de velours, fraîche comme une rose, à croire qu'elle n'avait pas accouché le matin même. Il était incroyable de penser que ce petit poupon pâle qu'elle tenait dans les bras était la fille du gigantesque Farouk. Ophélie chercha tendre des yeux avant de comprendre que sa voix émanait des énormes haut-parleurs du poste de radio. « Ce qui nous amène à l'état actuel des gardes-manger. Les faits sont les suivants. La rose des vents interfamiliales ne rouvrira pas ses portes et l'importation de nourriture par voie aérienne impliquerait un coût exorbitant. Veuillez distribuer ceci, un exemplaire par personne. » Il y eut un bruit de papier et des murmures d'impatience s'élevèrent à la fois dans le poste de radio et dans le hall de l'hôtel, mais Thorne reprit imperturbablement le fil de sa conférence. « Comme vous pouvez le constater dans le document que je viens de vous communiquer, le taux de change de notre monnaie familiale ne joue pas en notre faveur. Nous devons compter sur nos propres ressources. Les pêches intensives de ces dernières années ont vidé nos lacs. La saison de la chasse commencera bientôt et la charge de grand veneur reste à ce jour vacante. » Attendu que les déchus sont pour la plupart des chasseurs hautement qualifiés. « Il va la baver, sa maudite annonce !» s'exaspéra le grand-oncle en frappant le poste du plat de la main. « Quelle annonce ?» demanda Ophélie. Tout le monde se tourna vers elle dans un même mouvement. Il flotta quelques secondes de silence inconfortable et Ophélie se demanda si ses ecchymoses, ses cheveux en broussaille, son écharpe trouée, ses souliers à la main et les débordements de sa chemise de nuit sous sa robe n'y étaient pas pour quelque chose. La tante Roselyne fut la première à réagir. Elle obligea Ophélie à s'asseoir sur une chaise et lui enfourna d'autorité une galette de pain dans la bouche. « Tu sautes des repas, tu découches toute une nuit, tu te fais agresser et tu t'étonnes après de tourner de l'œil ?» « C'est une armée entière de marraines qu'il te faut, gamine !» En un rien de temps, toute la famille qui encerclait le poste de radio se rassembla autour de la chaise d'Ophélie. Ses grands-mères lui apportèrent chacune un manteau, son beau-frère lui servit de la liqueur de sirop d'érable, et ses oncles, ses tantes et ses cousins lui posèrent tellement de questions à la fois qu'Ophélie n'en comprit aucune. Agathe souleva du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un conglomérat d'algues, ses épais cheveux noueux. « Oh, sœurette !» gémit-elle. « Tu as une allure épouvantable !» Sa mère bouscula tout le monde avec son énorme robe rouge pour être en première place. « Mange bien et raconte-nous » ordonna-t-elle. « Est-ce que M. Thorne t'a dit quelque chose de particulier ?» Ophélie déglutit péniblement sa galette et adressa un regard de reproche au poste de radio qui débitait à présent un interminable texte législatif comme s'il était Thorne en personne. « Il me suffit de vous retirer de l'équation. » La seule déclaration que cet homme avait daigné lui faire, il l'avait déjà mise en application. « Non, » répondit Ophélie à la déception générale. « Que se passe-t-il ? » ? « Nous écoutons la diffusion publique des états familiaux, en direct de la Citatielle, » lui expliqua posément Bérénilde depuis son fauteuil. « Une assemblée plénière se tient en ce moment à la cour. » Et il traite actuellement la question des déchus. Thorne a informé en début de séance qu'après sa plaidoirie, en faveur de leur réhabilitation, il ferait une annonce. Une annonce personnelle, précisa-t-elle en caressant du doigt la joue de son bébé endormi. Êtes-vous certaine qu'il ne s'est pas confié à vous, ma chère enfant ?» Le cœur d'Ophélie fit un bond de côté. « C'est peut-être à propos des disparus ?»« Vraiment, cela, je m'en moque comme de mon premier jupon !» s'agaça sa mère en levant les yeux au plafond. « As-tu vu un peu dans quel état tu nous es revenue ? Couverte de bleu de la tête aux pieds. Reynold nous a raconté comment tu avais été attaquée à cause de Monsieur Thorne. » Renard tapota son monocle d'un geste embarrassé. « Sauf votre respect, je ne crois pas avoir dit « à cause d'eux ».»« Thorne n'y est pour rien !» confirma Ophélie d'un ton catégorique. Le grand-oncle souffla furieusement sous ses moustaches. Il empoigna la chaise d'Ophélie par son dossier et avec une force remarquable pour son âge, il la fit pivoter tout entière vers la rapporteuse. « Regardez sa frimousse une fois. Vous êtes ici pour témoigner, hein? Témoignez donc de ça, aux doyennes. » Assise près du poste de radio, la rapporteuse s'abstint de tout commentaire. Elle se faisait inhabituellement discrète sous son chapeau à girouette et sa cigogne tournoyait au-dessus d'elle sans se poser nulle part, signe d'une certaine confusion. « Ma fille était en bonne santé quand je l'ai confiée à M. Thorne !» surenchérit sa mère en désignant le poste d'un index accusateur. « Ce sinistre individu me l'a ramené complètement abîmé, et il est retourné à ses petites affaires, comme si de rien n'était. » « Les états familiaux ne sont pas de petites affaires, Madame Sophie, » la modéra Bérénilde. « Ils se tiennent une fois tous les 15 ans, et chaque sujet qui y est traité est d'une importance capitale. C'est la première fois que mon neveu y siège en tant qu'intendant. C'est une lourde responsabilité. J'apprécierais que vous le preniez en considération. » La voix de Thorne poursuivait inlassablement. « Invisibles, des narcotiques et des persuasifs, pour ne citer qu'eux, ont été reconnus d'utilité publique si l'on se réfère à la loi de réhabilitation proprement dite, article 16, alinéa 4. » Ophélie tira sa chaise jusqu'au poste de radio et l'écouta avec la plus grande attention. Quelle était donc cette annonce personnelle qu'il s'apprêtait à faire ? « Il a dû découvrir quelque chose, » murmura-t-elle. « La toile a-t-elle donné des nouvelles d'Archibald ?» Bérénilde échangea un regard fugace avec la tante Roseline, qui serra ses dents chevalines avant de revenir à Ophélie dans un gracieux mouvement de boucles blondes. « La Valkyrie, responsable de ma protection, a été rappelée par la toile en début de soirée. Je n'en ai appris la raison qu'il y a 2 heures en écoutant ce radiorécepteur. Les sœurs d'Archibald ont fait une déclaration au sujet de leur frère. Une bien triste déclaration, » avertit-elle en enfonçant son regard dans les lunettes d'Ophélie. « Je ne connais pas tous les détails de l'affaire, mais Archibald n'a pas pu être localisé. Son état de conscience était, semble-t-il, en train de perturber toute sa famille. La toile a procédé à la rupture de son lien au cours d'une cérémonie privée. « Eh oui, ma chère enfant, » murmura Bérénilde en la voyant blêmir, « j'ai bien peur que nous ne revoyions plus jamais notre extravagant ambassadeur. » Ophélie serra ses bras autour de son corps. Sa température corporelle avait brutalement chuté. Elle revit Archibald dans son rêve agitant le fil coupé de son combiné téléphonique. Une procédure irréversible qui lui sera probablement fatale, avait prévenu le diplomate à la chambre de la roulette. D'abord la mère Hildegarde, à présent Archibald. Ophélie avait froid, vraiment très froid. « Pourquoi m'avez-vous laissé dormir ?» La tante Roseline lui resservit un peu de liqueur. « Tu n'as rien à te reprocher, gamine. Ta mère nous a tout raconté. Monsieur Farouk n'aurait jamais dû te mettre ça sur les bras. » « En attendant, il va falloir un autre parrain pour ma fille, » soupira Bérénilde en embrassant le front du bébé. « Ainsi qu'un nom, ma petite Ophélie. Dès que vous aurez retrouvé vos esprits. Allons, allons, ressaisissez-vous, » lui dit-elle avec un sourire doux amer. J'avais moi aussi développé une certaine affection pour ce coquin, mais nous devons rester concentrés sur notre avenir. » Gelée jusqu'aux entrailles, Ophélie se colla contre le haut-parleur du poste de radio. Elle ne pouvait s'empêcher d'attendre encore de Thorne un miracle. Il avait eu l'air si déterminé, si confiant tout à l'heure sur cette jetée. Il avait forcément un plan derrière la tête. Ophélie se raccrocha à sa voix grave qui était en train de conclure sa démonstration par la récitation de la Constitution interfamiliale, rappelant les devoirs paternels d'un esprit de famille envers chacun des membres de sa descendance. « Ça y est !» s'exclama le télégraphiste de l'hôtel. « L'intendant a fini son discours !» Tout le monde retint son souffle autour du poste. L'argumentaire de Thorne avait été remplacé par des bruits de raclement de chaises et un brouhaha indistinct. Le silence se fit dès que la voix de Farouk s'éleva mollement du fond de la salle. « Nous vous remercions pour cette très longue prise de parole. Votre demande de... de réhabilitation, monseigneur. » Ophélie reconnut le chuchotis caractéristique du jeune aide-mémoire. À présent que le lien avec Archibald avait été tranché, la toile n'avait pas tardé à reprendre du service. « C'est cela, » dit l'esprit de famille. « Votre demande de réhabilitation a bien été prise en considération et inscrite au cahier des... des doléances, monseigneur. C'est cela. Elle va faire l'objet d'une délibération puis d'un vote des députés, monseigneur. C'est cela. Vous pouvez disposer à présent. J'avais une annonce à faire, rappela la voix de Thorne. Un long bruissement de papier. Ophélie pouvait presque visualiser Farouk en train de consulter son pense-bête. « Elle figure dans l'ordre du jour ?»« Non, » répondit l'intendant. « Je vous demande de m'octroyer 3 minutes supplémentaires de temps de parole. Il ne me faudra pas davantage pour ce que j'ai à déclarer. »« Soyez bref. » Le poste de radio laissa entendre un tintement de verre et un écoulement liquide. Thorne buvait un verre d'eau. Il se racla la gorge, puis reprit d'une voix clarifiée. « Ce que je tiens ici à la main, c'est le contrat que j'ai passé avec vous l'année dernière. Je me suis engagé à épouser une liseuse d'anima, à accoupler son pouvoir familial avec le mien et à vous fournir une expertise complète de votre livre en échange d'un titre de noblesse. « Qu'est-ce que c'est que ce brol ?» s'exclama la mère d'Ophélie. « C'est quoi cette histoire de contrat ?» Ophélie lui fit signe de se taire et colla davantage son oreille contre le poste. Bérénilde d'elle-même s'était figée dans son fauteuil comme une statue de porcelaine. « Oui ?» lâcha la voix de Farouk après une hésitation. « Je me souviens de cela. Je trouve... « Soit dit en passant, cette attente interminable !» Il y eut un bruit de déchirure et des exclamations choquées s'élevèrent de toute l'assemblée. « Voilà !» déclara calmement Thorne. « Je viens de détruire mon contrat. J'annule le mariage. Je ne lirai pas votre livre et je vous donne ma démission. Je tiens à souligner... que c'est une décision que j'ai prise seule. C'est donc seule que j'en assumerai toutes les conséquences. Je vous remercie de votre attention. » Dans les haut-parleurs, les exclamations se transformèrent en tollé général, mais aucun cri ne fut aussi redoutable que le silence de Farouk. Des coups de maillet retentirent tandis que quelqu'un réclamait le calme, puis la diffusion finit par être remplacée par un interlude musical. Autour du poste de radio, la stupeur fut totale. Pourquoi ? Tout le monde se tourna vers le fauteuil de Bérénilde. Avec ses yeux proéminents, son menton frémissant, son front recouvert de rides, ses sourcils tordus et ses lèvres convulsives, elle était méconnaissable. Son masque de parfaite dame du monde venait de voler en éclats. Pourquoi ? Répéta-t-elle d'une voix blanche. « Pourquoi a-t-il fait cela? Il a perdu la raison !» Elle fut parcourue de tremblements si violents qu'Agathe se précipita pour lui prendre son bébé des bras. Recroquevillée dans son fauteuil comme si elle avait été frappée en plein ventre, Bérénilde lança à Ophélie un regard implorant. « Je vous en prie, n'abandonnez pas mon garçon !» Tout était immobile à la surface d'Ophélie. Elle ne bougeait pas, ne sciait pas, ne disait rien. Pourtant, chaque molécule de son corps avait déjà commencé à se mettre en mouvement. L'annonce de Thorne venait de débloquer un frein intérieur, et la matière sombre qui lui encombrait la tête depuis des heures, depuis des jours, s'évacua soudain dans un nuage de vapeur. Ophélie prit une profonde inspiration. Les choses lui paraissaient tout à coup formidablement claires. Elle se leva de sa chaise et s'approcha de Bérénilde qui la dévisageait d'un air éperdu. « Je vous fais deux promesses, madame. Je n'abandonnerai pas Thorne et je trouverai un nom digne de votre fille. » « Je peux savoir ce que tu comptes faire, au juste ?» s'étonna sa mère, les poings sur les hanches. « Tu as entendu, monsieur Thorne ? Cette mauvaise farce est terminée. On rentre à la maison. » « Je ne rentre pas, maman. Je retourne là-haut. » La déclaration d'Ophélie propagea des réactions incrédules tout autour d'elle. On sourcilla, on grommela, on s'indigna, on alla même jusqu'à rire nerveusement, mais personne ne paraissait réaliser qu'elle était réellement sérieuse. Personne à part Renard. « Là-haut ? » répéta-t-il un peu paniqué. « Vous voulez dire à la Citatielle ? Avec les états familiaux et tout le bastringue ? Il n'y a plus un seul dirigeable, plus un seul traîneau en circulation. Même les gens de la caravane du carnaval, là-bas, à Asgard, dit Renard en pointant une fenêtre du pouce. Ils n'ont pas l'autorisation de décoller pour le moment. De toute façon, votre fiancé, votre ex-fiancé, m'a ordonné de ne plus vous laisser franchir la porte de l'hôtel, conclut-il en croisant ses bras musculeux. C'est devenu beaucoup trop dangereux, là-dehors. Vous n'aurez pas à lui désobéir, le rassura Ophélie. Je ne franchirai pas cette porte. J'irai par là. Et elle désigna un miroir du hall. Elle sentait de tout son corps qu'elle parviendrait à le passer. Elle s'était mentie à elle-même. Elle en comprenait la raison. Mais c'était fini, à présent. « Oh, mais non, non, non !» protesta Renard en lui agrippant les épaules. « Je pourrais pas t'accompagner là-dedans, moi, gamin !» Ophélie réclama au réceptionniste un miroir de poche et un petit nécessaire à écrire. Elle remit le premier à Renard et garda le second pour elle. « Consultez régulièrement ce miroir. Je vous enverrai des messages. Vous pourrez me suivre à la trace. » Renard fronça ses sourcils pareils à deux buissons ardents, puis il finit par ôter son monocle. « Prenez ça en échange. Vous ferez très attention à ne plus vous laisser étrangler, hein ? » bougonna-t-il. « Vous êtes ma patronne. Je tiens à garder mon emploi encore longtemps. » « Merci, lui dit Ophélie avec un sourire irrépressible, pour le monocle et pour ce que vous avez fait là-bas, sur la jetée. » La mère d'Ophélie ouvrit une bouche, grande comme un foyer de cheminée, mais la tante Roselyne l'interrompit avant l'explosion. « Je pense exprimer l'opinion générale en disant que ton projet est très déraisonnable. Tu penses aller où, ainsi exactement ? À l'Assemblée des États familiaux ? Je doute qu'on te laisse entrer. Tous les gendarmes ont été convoqués à la cour pour assurer la sécurité. » « Tant mieux, » dit Ophélie. « Je ne vais pas à la cour. Ça m'épargnera des contrôles. » La tante Roselyne fut décontenancée. « Alors là, je ne te suis plus du tout. Tu vas où ?»« Les matelas, » expliqua-t-elle. « Vous vous rappelez cet article dans le Nibelungen, celui qui parlait d'un embouteillage de matelas dans un ascenseur. Je l'avais trouvé ridicule sur le moment, mais je viens enfin de comprendre. » Quatre lits reliés à des sabliers ont été volés de la manufacture de Madame Hildegarde. Nous savons qu'ils ont servi aux enlèvements. Ce sont eux qui ont provoqué l'embouteillage. Vous saisissez ? Si je retrouve les matelas, je retrouve les disparus. Si je retrouve les disparus, je peux encore sauver Thorne. Ma décision est prise, décréta Ophélie d'une voix ferme pour mettre un terme aux protestations qui s'élevaient de toute la famille. Je pars. Peu importe que vous soyez d'accord ou non. « Ma fille est tombée sur la tiesse !» finit par éclater la mère d'Ophélie. « Tu n'as donc pas compris qu'elle t'a publiquement répudié, ton cher monsieur Thorne ? Je t'interdis d'aller te mettre à nouveau en danger pour lui !» Ophélie noua solidement son écharpe autour de son cou, de façon à ne plus être gênée par ses cheveux, puis elle regarda sa mère droit dans les yeux. « C'est vous qui n'avez pas compris, maman. Thorne n'est pas le monstre d'égoïsme que vous croyez, que je croyais aussi, » fut-elle forcée de reconnaître. Je me suis persuadée qu'il voulait lire le livre de M. Farouk par ambition personnelle, mais il y a autre chose. Il y a toujours eu autre chose. Thorne vient d'y renoncer pour nous protéger. Nous ne pouvons pas le laisser tomber maintenant. De quoi parlez-vous donc ? s'inquiéta Bérénilde en tressaillant dans son fauteuil. Quelle est cette autre chose ? Je l'ignore, admit Ophélie, mais je finirai par le savoir. Elle pressentait déjà qu'il y avait un lien avec ce que la mère Hildegarde lui avait révélé dans le non-lieu et le dieu des lettres. Ce gars-là, ma petite, mieux vaut éviter de croiser sa route, et pourtant c'est ce qui finit par arriver à ceux qui s'intéressent au livre d'un peu trop près. Plus Ophélie considérait la question, plus il lui semblait évident que Thorne enquêtait là-dessus depuis le tout début. Quand il avait voulu placer la mère Hildegarde en état d'arrestation, c'était une protection qu'il lui avait offerte. Tandis qu'Ophélie se dirigeait vers le miroir du hall d'un pas décidé, sa mère eut un geste impérieux du bras pour la retenir. Son père l'en dissuada. « Je crois, ma chère, que nous devrions laisser notre fille prendre pour une fois ses propres décisions. Nous lui avons déjà trop imposé les nôtres. » La rapporteuse, qui avait jusque-là observé la plus grande discrétion, n'y tint plus. Elle se dressa en travers du chemin d'Ophélie dans un virevoltant mouvement de robe noire. La girouette de son chapeau se braqua sur elle tandis que ses yeux globuleux la considéraient froidement par-dessus ses besicles d'or. « Puisque de toute évidence tes parents n'ont aucune autorité sur toi, je me vois contrainte d'intervenir. Tu ne te mêleras pas davantage des histoires de cet individu. Si j'avais su plus tôt qu'il trempait dans des affaires louches, j'aurais adressé à nos très chères mères un rapport défavorable. Il a trompé les doyennes et insulté toute notre famille. Tu ne traverseras pas ce miroir pour lui, tu m'entends bien, ma petite ?» Ophélie soutint durement le regard de la rapporteuse, prête à la défier, elle, plus que tous les autres, mais son grand-oncle s'interposa. « Il faudra me passer sur le corps si vous voulez l'en empêcher. »« Vas-y, ma fille, » marmonna-t-il dans ses moustaches. « Ton drôle de zicoto, il m'a l'air d'être aussi un fameux sympathisant dans son genre, hein ? Rien que pour ça, je t'aiderai à l'aider. »« Merci, mon oncle. » Ignorant l'expression outrée de la rapporteuse et les regards éberlués du reste de sa famille, Ophélie s'approcha de la glace du hall jusqu'à s'y refléter. Elle regarda bien en face son visage déterminé sous les égratignures et les ecchymoses, enfin prête à affronter cette vérité qu'elle n'avait pas voulu voir. Ce n'était pas Thorne qui avait besoin d'elle. C'était elle qui avait besoin de Thorne. Ophélie se plongea corps et âme dans le miroir.